Thank you. Holocrama. Monsieur Digue. Ben Delos. Monsieur Digue. We'll sit on the hill. Play the same thing. D'accord. We'll be right back. J'entends une voix. J'entends des voix. Thank you. Mr. D, please. Just listen to the chords. Can you play guitar? Start. One, two, and three, and four. And after you play what you want. Three, four. Bon, non, ben. Bon, moi je vous mute, hein. Moi je joue avec Milos. Jouer comme 2, 3, 4. Nous sommes à l'heure de la nuit. Bon les gars, je reviens.